M, le maudit. Kids de Aurélien Ducoudray et Jocelyn Jauret. Californie. Trois adolescents, Ben, Brooks et Mickey, poursuivent une vieille dame. Ils ont l'air énervés et veulent la tuer. Pourtant, Madame Finkstein est une voisine adorable et une très bonne cuisinière. Mais elle a une tare. C'est un zombie. Il faut donc la décimer. Pour cela, les trois garçons sont accompagnés de Spielberg. Il a une caméra et donc il filme les exploits et les tueries de tous les zombies. Le soir, ils sont ensemble dans une maison qu'ils ont tout simplement abandonnée. Et tous les soirs, ils font une séance vidéo où ils revoient toutes leurs petites actions contre les zombies. Voilà ce que c'est, Kids. Kids, c'est tout simplement l'histoire d'un groupe d'enfants, d'ados, qui essaient de dézinguer les zombies qui sont dans la ville. À chaque fois qu'il y a des zombies qui s'approchent un peu trop près de leur maison, tout simplement, ils vont ailleurs. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que, bien évidemment, ils doivent aussi se débrouiller pour récupérer à manger. Alors, les zombies, ce n'est pas non plus des foudres de guerre. Hein. Ils sont plutôt en fin de vie. Ils sont plutôt en extinction, ces zombies. Mais quoi qu'il arrive, de temps en temps, ils sont obligés d'en tuer. Il y a aussi quelque chose qui va un peu leur arriver, un peu compliqué, c'est que ce groupe de quatre garçons vont voir arriver Polly et sa sœur Sue, deux filles. Donc, ça va aussi créer quelques petites étincelles. Kids, on est un peu plus proche de la série Seul de Velman et Gazzotti plutôt que de The Walking Dead. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup d'humour dans cette série. Il y a du suspense, il y a des bastons, il y a des rires. C'est un peu dans la veine de Zombieland, le film de Ruben Fleischer. C'est rythmé. Et surtout, ce qui est vraiment très sympa, c'est l'univers très pop de Jocelyn Jauret, le dessinateur, qui, lui, a travaillé dans le jeu vidéo. Et donc, ça se sent dans son dessin, qui est un dessin à mi-chemin entre le manga et le comics. Mais aussi le design pour certains de ces personnages de Gorillaz, du groupe de musique Gorillaz. Donc voilà, ça donne un espèce de mélange très sympa, hein, un espèce de survival qui fonctionne sur tous les publics. Une bande de gamins sympa, avec une ambiance drôle, apocalyptique. C'est une très belle surprise. Donc Kids, tome 1 de Aurélien Ducoudray et Jocelyn Jauret chez Glénat. Et c'est sorti le 30 janvier. Crazy about it.